Épidule, le podcast qui porte une voix féministe à l'Oreille publique. C'est parti, salut Alessandra. Salut Lynn, alors ton estomac il va bien ? Ça va, on va voir si je supporte notre mission d'aujourd'hui. Donc 22e épisode de Crépidule et on continue le format un peu road trip, même si on va moins loin qu'il y a 3 semaines où on était à Berne. Aujourd'hui nous sommes à Palexpo à Genève, qui est donc, pour expliquer ce que c'est une sorte de complexe, d'immense hangar qui accueille des foires et des expositions, dont l'exposition Body Worlds, qu'on va visiter aujourd'hui. Exposition assez étrange, donc aujourd'hui on va parler anatomie. Et est-ce que tu te souviens pourquoi tu es là en fait ? Non Alessandra, redis-moi. Parce que je t'ai invitée à venir. Et voilà, j'espère que je ne vais pas regretter. Et quand j'avais vu, je crois que c'était en rentrant de vacances, le panneau qui annonçait cette exposition en haut de l'autoroute, justement. Alors, anatomie, j'étais très curieuse. Et en fait, c'est que plus tard que j'ai compris un peu les enjeux de cette expo. Oui, alors pour expliquer qu'est-ce que c'est que cette exposition qui a ouvert, je crois, hier, et puis qui dure 3 mois. Donc, c'est une expo qui dit avoir pour but de dévoiler les mystères du corps humain, si on se fie à leur site internet, et qui montre en fait plus de 200, comme dit le site, spécimens humains. Mais on pourrait aussi parler en fait de corps ou de cadavres, que ce soit en fait, donc c'est soit des corps entiers, soit des organes isolés ou encore des coupes transparentes. Et en fait, la particularité de ces corps ou de ces parties de corps, c'est qu'ils ont été plastinés. Alors, qu'est-ce que la plastination ? En fait, c'est vraiment en fait le procédé qui est à la base de cette exposition. Donc, c'est un procédé de conservation des corps, que ce soit humain ou animal, et qui a été créé par un certain docteur Gunther von Hagens à la fin des années 70. Il fait un peu peur le personnage. Hein ? Oui, vous pouvez aller voir sur le Wikipédia ou pas. Mais donc ce procédé, la plastination, qui est aussi appelée imprégnation polymérique, se fait donc en plusieurs étapes, donc notamment en passant par des bains de formol, d'acétone, et puis le remplacement des liquides corporels par du silicone. Et en fait, donc je me suis un peu renseignée, il paraît que c'est un procédé très long et très coûteux. Donc pour plastiner un corps humain entier, ça prend environ 1 an. Et ça coûte autour de 70 000 euros. Donc, ouais, c'est... Bon, le prix de l'exposition n'est pas donné non plus, on peut dire déjà. Mais donc, en fait, comment ces corps sont exposés dans l'exposition que nous allons voir, on n'a pas encore été. Et en fait, maintenant, je pense qu'on arrive un peu au côté glauque de cette expo, c'est que ces corps en fait ils sont disposés dans des positions qui se veulent un peu des positions de la vie quotidienne, donc par exemple en train de jouer au tennis ou encore au basket ou en train de danser ou on verra. Et donc la première édition de cette expo a eu lieu à Tokyo à la fin des années 90 et donc ça fait en fait environ 20 ans qu'elle tourne à l'international et qu'elle se développe avec davantage de corps. Donc en fait c'est pas du tout quelque chose de récent, mais c'est quand même quelque chose qui continue à faire polémique quand elle vient dans les différentes villes. Et là c'est la 3e fois que cette exposition a lieu en Suisse. Elle a déjà eu lieu à Zurich et puis à Bâle. Voilà, et donc elle a aussi essuyé des critiques de la part notamment de politiciens maintenant en fait à Genève. Quand on se penche sur cette dimension controversée de l'exposition, c'est un peu compliqué à suivre parce qu'il y a différentes expositions qui ont tourné dans le monde avec différents noms. Et j'ai essayé de voir, de tracer un peu la généalogie de ces expositions et on ne sait pas bien si c'est les mêmes ou pas. J'ai écouté une intervention du directeur d'Opus One, qui est la société suisse romande qui a fait venir cette exposition, qui disait que l'exposition qui avait été interdite à Paris était en fait un plagiat de cette expo d'aujourd'hui. Oui, en fait, donc à Paris en 2009, il y a une expo il y a eu une expo qui s'appelle Our Body, à corps ouvert, qui était montée par la société Encore Events et Pascal Bernardin, qui est apparemment quelqu'un qui organise des tournées de grandes stars, style YouTube ou je sais pas quoi. Et puis en fait, apparemment, il raconte dans un article qu'il a été à Boston, il a vu, j'imagine, Body World ou une autre exposition de la sorte. Et il s'est dit, mais il faut que j'organise ça. Mais en fait, donc, ça a été, cette exposition-là a été interdite par la justice française en 2009 à Paris. Et notamment parce qu'il y a eu controverse sur l'intraçabilité des corps qui étaient exposés. Donc les corps qu'il a utilisés pour son exposition Our Body, Pascal Bernardin se les a fournis en Chine. Et c'était impossible de savoir s'il y avait eu un consentement des personnes décédées ou pas. Cette notion de consentement, elle est fondamentale dans le... dans les controverses autour de cette exposition, parce qu'elle elle pourrait faire basculer la légalité ou l'illégalité de l'exposition de ces cadavres. Et puis, elle questionne aussi, je voulais juste dire aussi que c'est intéressant que dans les deux cas, tu vois, Opus One, c'est aussi une société qui fait venir du divertissement, qui organise des concerts. Donc c'est drôle aussi ce déplacement de cette science anatomique dans un contexte plus... Ouais, enfin, c'est des gens qui veulent divertir qui organisent. Qui font tourner ces expos. Donc l'idée du consentement était vraiment fondamentale et à tel point qu'en fait, y a une liste de donneurs qui sont encore vivants, qui sont sur une sorte de liste d'attente pour, une fois décédés, être soumis à ce processus de plastination, qui montre aussi une sorte de, enfin, toute l'ambiguïté d'une fascination versus un dégoût de ce genre de monstration. Oui, et ça, justement, on peut dire parce que, donc, si on revient à l'exposition qu'on va voir aujourd'hui, qui est donc, on l'a dit, tourne depuis plus de 20 ans ou à peu près 20 ans, ben voilà, il y a vraiment un engouement en fait parce qu'il y a plus de 40 millions de personnes à travers le monde qui ont visité cette exposition et plusieurs milliers de personnes, comme tu viens de dire, qui sont en attente, qui se sont portées d'honneur parce que justement docteur Gunther von Hagens, il a été très critiqué à un moment parce que lui aussi en fait a utilisé des corps qu'il s'est fournis en Chine. Et du coup, il a été à un moment obligé de trouver un système, disons, guillemets, plus éthique pour se fournir encore. Et du coup, il s'est adressé à son public plutôt occidental, donc en Europe et aux États-Unis. Après, il faut aussi savoir que c'est vraiment une préparation qui se fait à l'industriel aujourd'hui, donc avec différentes expositions qui tournent, organisées par différents organismes. En fait, ces corps sont fabriqués en Chine. Donc, notre cher docteur Gunther von Hagens, il a en fait monté carrément des fabriques en Chine où il y a notamment des étudiants et étudiantes chinois et chinoises en médecine qui travaillent pour très peu de salaire pour plastiner ces corps, apparemment à la chaîne. Donc, voilà, il y a vraiment comme ça une industrie de... Ouais, du divertissement un peu cadavérique comme ça, c'est assez étrange quand on commence un peu à plonger là-dedans en fait. Et quand on écoute un peu les discours liés à cette controverse ici à Genève, il y a vraiment la notion des respects des cadavres avec cette notion d'atteinte à la paix des morts. Et c'est toujours frappant d'entendre ce discours, la paix des morts, sur des corps inanimés qui sont plus que de la chair. Enfin, je pense que ça, c'est aussi une des choses qu'on va rencontrer dans cette exposition, toi et moi, chacune à notre manière, c'est que ça confronte un peu à ces questions existentielles, s'il en est. Oui, moi, ça, je trouve intéressant parce que c'est vrai qu'une critique qu'on fait, c'est que ça porte atteinte à la dignité humaine, à la dignité des personnes décédées. Et que c'est pas du tout ok d'exposer comme ça des restes humains dont en plus on a enlevé l'identité, donc on voit plus les visages, donc ils sont pas nommés, donc ils ont plus d'histoire vraiment. Mais en fait, c'est pas du tout nouveau qu'on expose des cadavres dans des musées, notamment en Occident, où voilà, on peut penser aux momies qu'on peut trouver au Louvre, où il y en a aussi une qui, même si on peut plus la voir, il y en a une ici à Genève au musée d'art et d'histoire. Même si le sarcophage est fermé depuis 2004 pour des raisons de dignité, justement, de la morte. Mais, et puis après, on peut penser aussi au musée d'histoire naturelle ou au musée d'histoire de la médecine. Donc moi, par exemple, j'ai un grand intérêt pour l'histoire de la médecine, toi aussi. Et souvent, quand je visite des villes, notamment en Europe, eh ben, je regarde s'il n'y a pas un musée d'histoire de la médecine. Et il y en a des excellents. Par exemple, il y a le Berliner Medizinhistorisches Museum der Charité à Berlin, qui est incroyable. Si jamais vous avez l'occasion d'y aller, c'est top, top, top. Et puis, il y a aussi, par exemple, le Hunterian Museum à Londres, qui, malheureusement, maintenant est fermé pour rénovation, mais qui va réouvrir en 2020. Donc, je vous conseille aussi. Mais c'est vrai que c'est aussi... Je pensais à ça. Donc, là, souvent, il y a donc, des organes ou des cadavres en formol ou en découpe, voilà, qu'on visite comme ça, qui sont aussi complètement anonymes. Mais le contexte de l'exposition joue là un rôle fondamental, parce que du coup, notamment dans les musées d'histoire de la médecine, eh ben, on apprend aussi sur toute l'histoire, ça, tous ces corps, tous ces organes s'insèrent dans une histoire plus grande de la fabrication des savoirs scientifiques et médicaux en Occident. Et ici, c'est ici, en fait, Palexpo donc, est un lieu de foire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, si on lit le site de l'exposition, l'objectif de l'organisateur, c'est... Enfin, il a des visées éducatives, pédagogiques, esthétiques, artistiques. Mais je veux dire, en même temps, ça me paraît que être du divertissement, quelque part, je ne sais pas. C'est très étrange. Oui, parce qu'une partie justement de l'effroi, c'est ce dont tu as parlé avant qu'on va voir, c'est cette mise en scène de cadavres dans des situations de vie. Et ça, tout d'un coup, ça fausse l'habitude, enfin l'acceptation qu'on peut avoir de montrer ses corps dans un certain contexte, plat, droit, mort, quoi. Et là, voilà, cette absurdité en fait qui est utilisée comme mise en scène qui choque. On va voir quel effet elle nous fait. Mais avant qu'on puisse parler, tellement on aurait envie de vomir, est-ce qu'on fait un peu d'histoire? Allez. Parce que tu vois là, déjà il y a plein de choses qui ont été évoquées, mais qui nous montrent une fois de plus qu'il n'y a rien d'évident dans cette pratique anatomique. Ici, de nouveau, ça c'est un peu ma spécialité à la hache, si on refait cette histoire de la pratique anatomique, ne serait-ce que pour se rendre compte qu'elle n'a pas toujours été présente comme un moyen de connaissance sur les corps humains. Par exemple, si on remonte genre au 8e siècle avant Jésus-Christ, on trouve des traces de connaissance des corps dans les écritures du poète Homère. Et là, on se rend compte que ce qui intéressait comme conception du corps, c'était la dimension articulaire. Comment tout ça se meuvait, comment ça s'emboîtait. Donc, c'était ça qui définissait en fait l'intérêt sur le corps. Et si on monte aussi, en fait, je ne sais pas si tu sais, mais la pratique de la médecine occidentale, elle est un petit peu comme ça, inaugurée par un texte qui s'appelle le Corpus Hippocratique, et qui est donc un ensemble de textes rédigés entre moins 5 et moins 3 siècles avant Jésus-Christ. Et là non plus, pas de trace de dissection, parce qu'on se concentre sur la maladie, la manière dont elle se déroule et comment la guérir. Et c'est à peu près au 3e siècle avant Jésus-Christ qu'on commence à trouver des traces de dissection. Mais après, cette histoire, elle est un peu fragile parce qu'au 2e siècle, par le médecin Galien, on trouvera des traces de dissection, mais animales. On se rend compte que ce n'est pas dans le regard que les curieux ou les savants... j'ai un peu de peine à mettre ces termes au féminin parce que dans cette histoire-là, on n'entend pas souvent parler de femmes. Hein. Mais... c'est pas encore leur manière de s'intéresser au corps. C'est qu'à partir du XIIIe siècle, en fait, que la pratique de dissection va être démocratisée, à tel point qu'elle est pratiquée dans les unies européennes, qui montrent que là, elle est intégrée dans une construction de connaissances sur les corps humains. Et c'est vraiment à partir du XVe siècle qu'on assiste à une montée en puissance de cette pratique anatomique qui devient vraiment un dispositif de connaissance. Au XVIe siècle, on a le grand anatomiste italien Vésal qui, lui, va revisiter tous les savoirs antiques et historiques qu'on avait sur les dissections et il va repasser ça au filtre de dissection qu'il va mener, lui, de manière très pointue. Et ce qu'il va faire de particulier aussi, c'est qu'il va traduire le résultat de ces dissections par des illustrations des planches anatomiques. Et là, pour faire le lien avec l'expo d'aujourd'hui, il y a quelque chose de très fort qui se noue au XVIe siècle entre la connaissance anatomique, les pratiques de dissection pour les construire et le fait de les montrer, donc l'aspect visuel de ces connaissances. Il y avait notamment des théâtres anatomiques qui étaient constitués comme des sortes de micro-arènes avec des gradins très en pente, avec donc vraiment, tu vois, une manière de concentrer le regard de tout le monde sur la scène. Et là, en fait, tout le monde assiste, enfin tout le monde non, mais on assistait à des dissections. Et quand je fais cette erreur de dire tout le monde, c'est que c'était pas que des scientifiques qui étaient présents. Il y avait une sorte de curiosité comme ça parmi les intellectuels, est-ce qu'on peut déjà parler de bourgeoisie à l'époque, je sais pas, mais enfin voilà, c'était tout d'un coup une grande curiosité d'assister à ces théâtres anatomiques. Et donc avec tout ça, le discours anatomique devient image à relever que maintenant ce théâtre anatomique, il est là, à côté de nous, et dans l'héritage de cette histoire. Oui, après moi je trouve aussi intéressant, on peut faire un lien aussi entre ça, donc cette mise en scène des corps est critiquée, et moi aussi ça me fait quelque chose d'un peu de dégoût comme ça. Mais en même temps, si on regarde des planches anatomiques du 18e ou du 19e siècle, il y a aussi une mise en scène des corps qui sont donc là, pour le coup, dessinés. Oui, parce qu'il y avait la volonté de communiquer au plus grand nombre. Donc aussi une manière de prendre les codes culturels visuels de l'époque pour toucher les personnes qui n'étaient pas des scientifiques. Et d'ailleurs, on fait appel beaucoup à des artistes pour réaliser ces planches anatomiques en se disant que leur sensibilité, leur dimension subjective sera la plus à même de transmettre l'essence de cette pratique de dissection. Alors, juste avant qu'on y aille, peut-être une dernière chose aussi sur... en fait, cette exposition a été très critiquée aussi donc, parce qu'elle se revendique comme quelque chose de pédagogique. Mais en fait, la personne qui est à la base de cette expo s'est fait des millions sur l'expo, même s'il a réussi à tout perdre, parce que tel le passionné cadavérique qu'il est, il a voulu monter un super centre de recherche en Allemagne, à la frontière avec la Pologne. Et en fait, ça a été un trou à argent, et il y a tout qui est parti là-dedans, et il est... Et il a dû se déclarer en faillite. Et voilà, c'est vrai qu'aussi, on l'a dit avant, l'entrée est assez chère. On se fait un peu un luxe ou pas, maintenant, aujourd'hui. Donc, l'exposition est critiquée parce qu'elle génère des profits. Mais de nouveau, j'aimerais dire que ce n'est pas du tout quelque chose qui est neuf ou inédit en Occident, en tout cas, de se faire de la thune sur... des restes humains. On peut penser à l'histoire de l'Église catholique qui nous a montré à travers son histoire qu'elle a beaucoup marchandé des sépultures et des reliques. Bon, Alessandra, on se lance. C'est parti. Alors, Alessandra, nous revoilà. On vient de terminer l'exposition et on est assise dans un parc devant Palexpo. Et peut-être juste question son, vous dire que Palexpo est situé juste à côté de l'aéroport. Alors, si vous entendez un petit avion passer. Bon, qu'est-ce que tu en as pensé ? Je savoure ce soleil parce que vraiment, ça sentait un peu la poussière, cette exposition. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. On voyait vraiment ce truc. Ouais, ça faisait ringard, un peu vieux truc des années 90. Non, c'était hyper space. Et en fait, aussi, de voir ça, tout d'un coup, je ne comprends pas du tout les controverses qu'il y a eu autour par rapport au fait que ce serait écœurant ou dégoûtant, parce qu'en fait, c'est rien de tout ça, c'est, je dirais, décevant. Mais... Et puis, au niveau des dispositifs qui sont présents dans cette scénographie, c'est vraiment de quoi un peu pouffer tout le temps, parce que il y a donc, qu'est-ce qu'on va dire, une dizaine de corps présentés, et ces corps, en fait, sont la présentation de ces corps est ponctuée de toute une série de messages hygiénistes de santé hein, concernant il faut bouger, manger sainement, pas être stressé. Quand t'as 60 ans, il faut avoir des orgasmes. Il y en avait un là-dessus aussi. Oui, alors des orgasmes réguliers. Je ne sais pas quel est ce que ça implique. Parce que si t'en as des réguliers, ça peut augmenter ton espérance de vie de 8 ans. Incroyable. Non, c'est vrai que les messages qui accompagnaient étaient très flous, comme ça, il n'y avait pas du tout de chiffres précis, très étrange. Et aussi très, très étrange, toute l'exposition était agrémentée comme ça de citations, par exemple de Confucius ou de Goethe, ou encore du 14e Dalai Lama ou Abraham Lincoln. Oui, et puis toutes ces citations, dont Khalil Gibran aussi, j'ai noté, en fait, avait un message au-delà du corps. Ça parlait de l'énergie, de l'âme, de ce qui compte dans la vie, c'est pas ce que tu aimes et ce que tu fais, je sais plus quel type de message, mais qui vraiment t'éloignait de la dimension corporelle, qui pourtant est l'objectif premier de cette exposition. Ouais. Bon, franchement, j'ai pas grand-chose à en dire, en fait. Donc... Oui, bah écoute, souviens-toi, il y a déjà une notion qui nous a frappé, c'est à quel point ces corps sont, leur présentation est modelée. C'est-à-dire que déjà, de par les techniques utilisées pour les mettre en scène, il y a toute une décision, comment on va dire ça, presque éditoriale, de qu'est-ce qu'on va montrer et comment. Un petit exemple, ces corps, alors qu'ils sont décharnés, on peut le dire. Non, c'est pas le bon terme. Hein. Non, ils sont pas vraiment décharnés, en fait. Ils sont d'abord plongés dans du formol et ensuite dans de l'acétone. Et l'acétone, en fait, ça enlève tout ce qui est graisse. Donc après, il reste un peu que les chairs et puis les nerfs. Et du coup, pour quand même qu'ils aient l'air un peu cool, et ben ils rajoutent en fait de la fausse graisse par-dessus. Donc c'est des choses, c'est tout à fait arbitraire aussi comment ils choisissent de modeler ces cadavres finalement. Avec la question de la norme qui a servi à le faire, qui se pose. Et puis, par exemple, on leur a mis des fausses orbites. Donc tous ces personnages vous regardent, entre guillemets. Et... Alors, on a effectivement noté ces mises en scène de il y a une personne qui joue de la guitare, qui fait du badminton. Et je sais pas si je peux déjà le dire, tu as regardé le sexe de ces personnages ? Pas vraiment. Tu vas me raconter. Alors, moi, j'ai posé une attention toute particulière à la scrutation des appareils génitaux de ces êtres, de ces cadavres. Et alors, c'est de nouveau... Moi, j'aimerais bien, des fois, visiter quelque chose, vivre un événement, sans avoir rien à dire en termes de perspective de genre. Mais en fait, tout nous y ramène tout le temps. C'est-à-dire que, je vous ai cité un peu des personnages, mais donc c'est un joueur de guitare, un sportif qui fait du badminton, un vélocycliste, un secouriste, un porteur du monde, un homme debout, un chevalier, la première femme, et donc c'est facile de reconnaître parce qu'on voit vraiment s'il y a un pénis ou... Ah, on voit pas s'il y a un clitoris. On voit les vulves, les petites lèvres et grandes lèvres extérieures. Et jamais je n'ai vu de représentation de l'appareil génital interne des femmes, dont le clitoris. Bref, la première femme qu'on rencontre dans cette exposition est en fait couchée comme opérée par le personnage ou le cadavre masculin qui mène cette opération. La deuxième figure féminine est en fait une gymnaste, mais qui ne fait pas vraiment beaucoup de prouesses. Elle est portée par un cadavre en pleine extension qui la tient comme ça d'une main. Donc la figure féminine est montrée de manière très passive. Et alors, cerise sur le gâteau, ce personnage masculin qui porte d'une main la gymnaste lui tend un miroir. Écoute, Et la troisième figure masculine et dernière... Féminine. Oh ouais, féminine. La troisième et dernière figure féminine montrée, c'est quoi ? Eh ben, c'est une danseuse. Ouais, et ici, on parle aussi perspective de genre. Donc, en fait, l'exposition se déroule... Enfin, elle est faite de la manière suivante. C'est que... Donc, on commence par la vie, le développement de la vie, la naissance. Et puis, voilà, on termine par, par la mort. Et en fait, juste avant que ça commence, enfin, pour introduire l'exposition, il y a une sorte de très rapide retracement chronologique de l'histoire de l'anatomie, enfin des recherches anatomiques ou de la science de l'anatomie. Une histoire qui est uniquement masculine, donc il n'y a que des anatomistes hommes. Et puis, très drôle, cette chronologie se termine avec le docteur Gunther von Hagens, donc qui s'inscrit comme ça sur au summum de l'histoire d'une histoire avec notamment André Vézal, Bernard Albinus ou encore et c'était tout ce que j'ai noté comme nom. ouais. Et puis dans et en fait il y a des images qui accompagnent du coup cette chronologie. Et je crois que la seule image d'une femme, c'est une coupe transversale d'une femme enceinte. On va continuer à parler genre et anatomie, parce qu'on a toutes les deux lu un article de l'historienne de médecine Londa Schiebinger, un article de 1986 qui s'appelle « Skeletons in the Closet, the first illustrations of the female skeleton in 18th century anatomy ». Et donc cet article, en fait, retrace l'histoire depuis le XVIIIe siècle de la représentation du corps des femmes par l'anatomie ou la science anatomique, je ne sais pas comment on dit. C'est assez intéressant parce que ce qu'elle montre, c'est que le contexte politique, social, économique du XVIIIe siècle en Europe a amené les scientifiques... À produire un modèle comme ça des femmes ou de, on pourrait dire la femme du coup, et qui en fait appuyait les ambitions ou certaines ambitions politiques de l'époque à cantonner les femmes dans la sphère privée et notamment dans comme ça le rôle de la reproduction. Et ça s'exprime sur ces planches anatomiques féminines par le choix d'un modèle en fait, qui nie toutes les différences individuelles. Et ce modèle féminin est présenté comme ayant une boîte crânienne plus petite que celle masculine et des hanches plus larges. Donc avec un récit d'un corps voué à la procréation et donc à rester à la maison pour s'occuper de cette dimension sociale, et un crâne plus petit, donc naturellement moins doué de raison et exclu, comme on l'a souvent évoqué, des sphères politiques, savantes et commerciales. Et je trouve justement intéressant ce truc d'avoir fait le choix d'un modèle qui puisse comme ça venir soutenir des ambitions politiques de l'époque. Parce que ça montre aussi à quel point, en fait, dans l'histoire, est-ce qu'on peut encore parler de ça actuellement ? On n'a pas forcément les connaissances pour maintenant, mais comme ça, dans l'histoire de la science, des scientifiques ont clairement un peu photoshopé la réalité parce qu'il y avait des enjeux politiques très forts autour. Et puis si cette représentation, aussi ce choix de modèle illustre les questions de genre qui traversaient cette époque, c'est aussi, et puis c'est un contexte qui est d'ailleurs un peu en controverse entre différents auteurs, historiennes et historiens, c'est aussi que, comme on l'a évoqué en première partie, il y a ce dispositif de connaissance anatomique qui se met en place. Et quand on dit dispositif, ça implique toute une politique en lien avec cette science et donc qui dit politique dit aussi de quelle manière les savants vont être légitimés dans cette science. Et à partir du XVIe, il y a vraiment cette dimension de découverte qui est très présente, parce que si un anatomiste pouvait prétendre avoir découvert un organe, une partie du corps, c'était tout de suite une légitimité qui lui était octroyée. Donc il y a aussi cette quête de chercher et d'inscrire des différences dans les corps pour asseoir son autorité personnelle, en fait. Et de manière plus contemporaine, on peut faire un parallèle avec le fossile d'Australopithèque qui a été nommé Lucie, découvert en 1974 et qu'on a donc très rapidement assigné au sexe féminin du fait justement de la taille de la moitié de son bassin, en fait, parce qu'on n'a pas eu l'ensemble de cette partie de son squelette, et absence de crâne. Mais par la petite taille de ce bassin, on l'a attribué donc au genre féminin. Alors que en 96, c'est même des chercheurs suisses qui ont amené un autre regard sur ce fossile, qui fait que maintenant, en fait, on n'en sait rien de ce qu'il en est de son sexe, et on préfère nommer ces bouts de squelette comme AL288-1. Mais si on revient aussi un peu à l'histoire de la médecine occidentale moderne, c'est aussi intéressant parce qu'on en avait parlé justement quand on a discuté de l'allaitement, de l'histoire de l'allaitement dans un autre épisode, c'est que il y a aussi l'importance de la classification dans la médecine occidentale qui en fait s'est développée à partir de la zoologie et de la pratique des botanistes au XVIIe siècle. Donc les botanistes et les zoologues étaient comme ça obsédés par la classification du monde, des espèces, des plantes et compagnie, et la médecine s'est vraiment inspirée de ça en commençant à comme ça définir toutes les maladies, tous les diagnostics, tous les membres du corps. Et du coup, c'est aussi un savoir qui se développe dans la différenciation des choses. Et ce qui est aussi intéressant avec ça, je trouve, c'est que ça fonctionne aussi beaucoup, la science et la science médicale, beaucoup avec des modèles. Donc, qu'est-ce qu'on choisit comme modèle et pourquoi un modèle est retenu et republié, réutilisé plutôt qu'un autre. Et voilà, c'est aussi un des grandes critiques faites par la critique féministe des sciences aujourd'hui, c'est que c'est pas OK d'avoir un modèle unique, universel. Avant qu'on se quitte, j'aimerais juste partager une expérience féministe que j'ai pu vivre il y a un peu plus d'une semaine. C'était une formation, ou plutôt la première partie d'une formation en 4 temps, donnée par le BPEV, qui est donc le Bureau de promotion de l'égalité et de lutte contre les violences domestiques du canton de Genève, donc une sorte de bureau de l'égalité du canton. Et donc cette formation qui s'appelle « Je me lance » portait sur l'engagement des femmes en politique. Et donc je me suis inscrite un peu, donc c'était gratuit et c'était le samedi matin. Et je me suis inscrite un peu comme ça en me disant « Allez, je vais aller voir ce que ça donne ». J'avais vraiment très très peu d'attentes, surtout après notre excursion à la FEMVO là, qui était un peu décevante. Surtout sur un plan comme ça militant et de développement d'outils militants. Mais là, en fait, c'était génial. C'était tellement bien. Alors, je me suis un peu forcée à y aller. C'était le samedi matin. Je me suis dit, non, en fait, je ne vais pas y aller. Tout ça me saoule. Et puis finalement, je me suis dit, allez, j'y vais. Donc, je suis arrivée là-bas. Et en fait, il y avait 40 personnes à peu près, 40 femmes. Hein, donc, il n'y avait que des femmes qui étaient là, alors que la formation était aussi ouverte aux hommes, il me semble. Mais donc, une non-mixité non choisie. Et puis, une politicienne, une chancelière de l'État de Genève qui est venue d'abord parler de son expérience et de sa carrière en politique, des obstacles qu'elle pouvait rencontrer parce qu'étant femme. Donc ça, c'était très intéressant de vraiment avoir quelqu'un qui vient comme ça partager son expérience, son parcours, et puis sur aussi un plan, je dirais, très... un peu intime quand même, enfin, quelque chose de très ouvert. Ensuite, c'était assez bien, il y avait une formatrice dont je ne me rappelle plus le nom maintenant, mais je vais chercher, je le mettrai sur le post-pod. Je mettrai aussi le lien vers les formations. Je crois qu'on peut plus s'inscrire maintenant, mais pour une prochaine fois peut-être. Et après, on a travaillé comme ça en petits groupes, donc de 3. et puis où on parlait justement de pourquoi est-ce qu'on veut s'engager, que ce soit en politique ou dans le monde associatif ou juste sur un plan plus personnel. Qu'est-ce qui nous a poussé à avoir un engagement féministe, à avoir des envies féministes. Et puis après, on partageait comme ça tout ce qu'on développait, on le partageait dans le grand groupe ensemble après. Et il y a tellement de témoignages comme ça hyper forts qui sont ressortis. Et c'était vraiment, en tout cas moi je l'ai ressenti comme ça, comme un safe space, un endroit de partage et aussi de réseautage, vraiment où, donc moi à un moment je me suis présentée, donc j'ai dit où je travaillais parce que je travaille sur justement des questions d'égalité. Mais j'ai aussi présenté notre podcast et après il y avait plein de ces femmes qui sont venues vers moi me dire ah tu fais ça, c'est génial, est-ce que je peux avoir le lien pour ton podcast et tout, et puis moi je fais ça, et puis vraiment de partage comme ça, de savoir et de petites stratégies qui étaient hyper hyper chouettes, enfin bref, c'était long, ça durait 4 heures, donc il y avait vraiment pendant tous ces 4 heures cette énergie là n'est pas redescendu. Puis aussi dire qu'il y avait des femmes d'origines différentes, vraiment un peu de partout à travers le monde, et d'âges différentes. Donc il y avait autant des nanas style 19-20 ans, il y avait autant des femmes qui avaient 60 ans. Donc aussi très intéressant, je trouve, de voir cette diversité que, par exemple, quand on a été à la FEMVO il y a 3-4 semaines, on n'a pas du tout ressenti. Oui, et puis moi, il y avait un point sur lequel je voulais revenir dans le podcast, parce que tu m'en avais parlé en off. Je ne sais pas si c'était vraiment la conclusion de cette première matinée, mais de dire à quel point le premier obstacle qui doit être franchi pour les femmes, c'est l'auto-estime. Oui, il y a un petit hélicoptère qui passe. Oui, justement, ça c'était vraiment la conclusion. On attend qu'elle passe. Oui, ça, c'était vraiment la conclusion de la journée, de cette première journée. C'était de montrer à quel point il faut arrêter de s'auto-descendre constamment. Parce que c'est quelque chose, en tant que femme, on apprend à toujours, ou très souvent, mettre les autres d'abord. Et puis, toujours aussi s'auto-critiquer, ne pas se croire capable de... de vraiment prendre le temps de... reconnaître ses compétences, reconnaître ses savoirs et comme ça, s'aimer. Et en même temps, moi, j'ai trouvé ça génial parce que c'est quelque chose, je me reconnais tout à fait là-dedans et à quel point c'est important de, à la fois, prendre soin de soi-même et être dans un mouvement comme ça d'empowerment de soi-même et aussi des autres femmes autour de soi. Mais en même temps, du coup, c'était vraiment chouette qu'on partage ça. Puis il y avait plein de gens qui témoignaient aussi sur différentes stratégies qu'elles adoptaient pour justement avoir ce mouvement vers l'auto-estime. Mais en même temps, j'étais là, mais on a tellement d'obstacles à franchir. Parce qu'en fait, la première chose qu'on doit faire, déjà dans ce groupe, c'était hyper visible, c'est en fait juste de s'aimer soi-même. Et c'est de là qu'on part, quoi. On part de tellement bas, peut-être pas de tellement bas, mais avec beaucoup d'obstacles comme ça. C'est quand même un peu ahurissant quelque part qu'on doit presque passer par un sorte de moment psy comme ça parce qu'on est des nanas qui veulent se lancer dans l'espace public. Et en fait, on doit acquérir comme ça des stratégies complètement qui en fait devraient être super basiques dès la base, quoi. Mais en fait, c'est obligé de passer par là. Et je trouve que ça évoque aussi ce slogan des années 70 dans les mobilisations féministes qui disait le privé est politique, parce que de voir comme cette sphère que tu dis psy, qui est presque intime de comment quel regard je porte sur moi, à la fois issue d'une socialisation et à la fois fonctionne justement comme un obstacle à parler clairement, oser prendre la parole, ne pas se cantonner à des petits projets, énoncer d'une petite voix qui font qu'une carrière ne peut pas être menée en politique. Ouais, et ça aussi peut-être, après il faudra qu'on conclue parce que ça va être... ça va être trop long, toi tu vas encore dire quelque chose. Mais ce que je voulais dire, c'est que la chancelière qui était là, ce qu'elle a dit était extrêmement important, c'était de s'entraîner à la prise de parole en public et de maîtriser ça. Ça, c'était vraiment une stratégie qu'elle a annoncée comme ça, comme primordiale dans une carrière publique. Ça paraît assez logique, Mais c'est vrai que parfois, quand on voit les gens parler, on se dit « Ah, ils improvisent, ça va ». Mais bon, nous, avec notre podcast, on s'entraîne, ça va. Oui, et puis c'était drôle parce que le 13 septembre dernier, en fait, il y a eu un événement mené par des femmes, des politiciennes valaisannes au Grand Conseil valaisan qui ont voulu témoigner du manque de mixité dans les sphères politiques, là en l'occurrence cantonales. Et j'ai entendu une interview d'une de ces femmes qui justement évoquait alors toutes sortes d'obstacles matériels à l'inscription politique des femmes, notamment le manque de répartition des tâches domestiques. Mais elle terminait en disant « Mais la chose la plus difficile, c'est d'apprendre à s'aimer et se dire qu'on est légitime pour rentrer dans ces sphères-là. » Et je vous mettrai sur le post-pod le lien avec l'article du Nouvelliste, qui est le journal valaisan officiel, et qui traite de cet événement en quelques petites, toutes petites lignes. Et vraiment, peut-être vous trouverez la solution, mais il y a une photo qui montre ces femmes tenant des grandes photos de comités d'entreprises, des choses comme ça. Et d'après ce que je vois sur la photo, c'est justement des photos qui montrent qu'il n'y a aucune femme. Et le Nouvelliste évoque ces photos qui étaient présentées pour visibiliser leur présence. Bref, je ne sais pas s'ils ont bien reçu le message. Dire aussi qu'on va sûrement... participer un peu à un événement d'art contemporain bientôt, on vous tiendra au courant. Stay tuned. Et là aussi, il sera question de soins. Oui. À soi-même. On clôt ? Closons. Alors, tchuss Alessandra. Joyeuse trisène, Lynn. Tu peux plus dire ça. Tchuss. Tchuss. Crépidule, c'est fini pour aujourd'hui. Pour prolonger la réflexion sur les thèmes abordés, vous pouvez vous balader dans le post-pod sur le site crépidule.com. Vous y retrouverez également nos autres épisodes à écouter aussi sur iTunes.